Heute geht es weiter mit unserer Botschaft, du und Christus. Aujourd'hui, on va continuer à mettre notre message, toi et Jésus-Christ. We celebrate Christ. Wir feiern Christus. On célèbre Jésus-Christ. Amen. Amen. We never celebrate Satan. Wir feiern nicht den Satan. On va jamais célébrer le diable. Amen. Amen. If you like it or not. So ob dir es gefällt oder nicht? That you can celebrate. Nur zwei können wir feiern. Que tu veux ou pas, il y a seulement deux personnes que tu peux célébrer. If you say no to celebrating Christ, it's automatic yes to celebrating Satan. Wenn du nein sagst und weil du Jesus Christus nicht feiern willst, dann wirst du automatisch ja sagen zum Teufel. Si tu dis non que tu veux pas célébrer Jésus Christ, ça c'est automatiquement le diable que tu vas célébrer. Every day we celebrate Christ. Jeden Tag feiern wir Christus. C'est chaque jour qu'on célèbre Jésus-Christ. Every minute, every second we celebrate Christ. Jede Sekunde feiern wir Christus. C'est chaque minute, chaque seconde que tu célèbres Jésus-Christ. Our birthday is just a reminder. Unser Geburtstag ist einfach nur eine Erinnerung daran. Notre anniversaire c'est seulement c'est un sorte de rappel qu'on célèbre Jésus-Christ. Amen. So also like it's like our Thanksgiving day, you know, every month. Amen. Just a reminder of c'est comme le jour de l'action de grâce qu'on donne à l'église. C'est comme si tu te rappelles que de remercier Jésus-Christ. Pour don't be tired of saying thank you to him. Hab es nicht satt, ihm zu danken. Faut jamais te fatiguer à remercier l'Éternel. Amen. Our celebration is telling Christ thank you. Unsere Feierlichkeit sagen wir Jesus danke. Dans notre célébration, c'est comme si on veut dire à Jésus-Christ merci. On dit, on remercie Jésus-Christ. Whatever we do everything in Christ. Alles was wir tun, tun wir in Christus. Tout ce qu'on fait, on fait à travers Jésus-Christ. That the world they do it and we do it, they are two different doings. Dass die Welt es tut und dass wir es tun, sind zwei verschiedene Arten. Le fait que le monde aussi célèbre, que nous aussi on célèbre, ce sont deux choses différentes. Their motive, why they celebrate, and our motive. Ihr Motiv ist halt different. Unser Motiv sind nicht gleich. C'est parce que notre motif de célébrer et leur motif de célébrer sont deux choses différentes. Our value. Amen. We value Christ. They wir value themselves. That's why they celebrate themselves. Sie feiern sie sich selbst. They value Satan. Sie schätzen Satan. And that's why they celebrate Satan. Sie feiern sie den Satan. C'est que ils sont en train de donner de valeur et c'est que nous on donne la valeur. Ce sont des choses différentes. Eux sont en train de donner la valeur au diable. C'est pour cela à eux-mêmes. Et c'est pour cela ils sont en train de célébrer le diable. Let's go to 1 Thessalonians 5. 1 Thessalonians 5. On va lire 1 Thessaloniciens. Praise the Lord. 1 Thessalonians 5. Verse 18. Vers 18. 5, verset 18. It said, in everything, give thanks. In everything. In allem sei dankbar. Là, il est remercié Dieu à toutes circonstances. Amen. Amen. And not in some. Nicht nur in einigen. Et pas seulement dans quelques circonstances. In allem. En toutes circonstances. Praise the Lord. Hallelujah. Once you belong to Christ, in everything you say thank you. Wenn du zu Christus gehörst, sagst du in allem danke. Si tu appartiens à Jésus-Christ en tout, tu dis surtout en toute chose, tu lui remercies. It's not only when things are good, the good of this world. Nicht nur wenn die Dinge gut laufen, sagst du danke. Tu le remercies à chaque circonstance, pas seulement quand les histoires marchent bien dans ta vie. Amen. Amen. No matter what. Egal wie es aussieht. Peu importe quoi. Et quand bedanke dich beim Herrn. Tu dois le remercier. Learn to say thank you. Lerne danke zu sagen. Apprends à le remercier. In everything, give thanks, including your birthday. In allem sag danke, auch deinem Geburtstag. Dans chaque circonstance, tu dois te le remercier et c'est aussi y compris aussi ton anniversaire. We celebrate Christ's life. Wir feiern das Leben von Christus. On célèbre la vie de Jésus-Christ. We no longer have the old life. Wir haben nicht mehr das alte Leben. On n'a plus l'ancienne vie. We now have the life of Christ. Wir haben jetzt das Leben von Christus. Maintenant, on a la vie de Jésus-Christ. Amen. Amen. The unsaved, they celebrate also. Die Ungläubigen, sie feiern auch. Les païens, ils sont aussi en train de célébrer eux. They celebrate death. Aber sie feiern das Fleisch. Eux, ils sont en train de célébrer la chair. They celebrate Satan. Sie feiern den Teufel. Ils célèbrent le diable. You are celebrating yourself. Wenn du dich selbst feierst, feierst du Celebrating Satan. Tu feierst damit den Satan. Si tu te célèbres ta propre vie toi-même, tu es en train de célébrer aussi le diable et la mort. You know, Christ said that they are dead. Christus sagt, sie sind tot. Let's go to Matthew 8. Matthäus 8. On va lire Matthieu 8. Praise the Lord. Hallelujah. He said they are dead. Sie sind tot. Because they are without him. Weil sie ohne ihn sind. Jésus-Christ a dit qu'ils sont morts parce qu'ils sont sans lui. The dead people. Die toten Menschen. Les gens morts. Amen. Amen. Matthew 8. From verse 19. Matthäus 8, 19. Matthew 8, 19 19 22. 19 to 22. And a certain scribe came and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. And Jesus said unto him, the foxes have holes, and the birds of the air have nets, but the Son of Man hath none where to lay his head. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The natural, you know, the natural rejects the spirit. Das natürliche verweigert den Geist vollkommen. Le monde naturel, les choses naturelles sont en train de rejeter l'esprit. They never welcome the spirit. Sie heißen den Geist niemals willkommen. Le naturel ne souhaite pas le bienvenu au spirituel. They never welcome you because you are of the spirit. Sie heißen dich nicht willkommen, weil du vom Geist bist. C'est comme s'ils nous aiment, c'est aussi parce qu'ils pour cela ils nous aiment pas parce que nous sommes de l'esprit, nous sommes de Jésus-Christ. You don't have home in their home. Tu hast kein Zuhause in ihrem Zuhause. On n'a pas de maison dans leur maison. Praise the Lord. Hallelujah. There's no home with them. On n'a pas de foyer chez eux. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 21. And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. You know, the world will say, oh, sorry. Die Welt du würde lost your father. Sich entschuldigen und sagen, du hast deinen Vater verloren. Und würde fragen, wie alt war er? So young. Les gens de ce monde vont commencer à avoir pitié, vont te dire, oh wow, ton père, il avait quel âge? You know, can we live like Christ? Aber können wir so wie Christus can leben? We value what he values? Können wir das wertschätzen, was er wertschätzt? Est-ce que tu vas commencer à donner de valeur à ce que lui donne de valeur? Are you getting it? Amen. Amen. When Jesus said unto him, follow me, and let the dead bury their dead. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they can die. It's not my business. That's what Jesus is saying there. Ihr sagt, sie können sterben und es geht mich nichts an. Jésus-Christ veut dire à cet homme qui veut d'abord enterrer son père, il dit que il peut mourir, ça m'importe, ça m'intéresse pas parce qu'il ne m'appartient pas. You know what things are happening today? We are so worried. Then we, you know, it's that's not Christ. Und wenn Dinge aber ihnen zustimmen. Because when you were telling them to come to Christ, they refused. Weißt du? Ihr Leben retten wolltest, ja. Indem du gepredigt hast zu ihnen, wo haben sie es verweigert? Comme les gens de ce monde, quand ou tes parents, tes proches, enfin, quand quelque chose se passe dans leur vie, toi tu as pitié, mais quand tu le disais de venir vers Jésus-Christ, ils ne voulaient pas, ils étaient en train de refuser. You know, so many times we are the ones that prevent them from coming to Christ. So oft sind wir die Gründe, weshalb wir Leute nicht zu Christus kommen, weil wir immer für sie da sind. Yes, il y a beaucoup de im Fleisch, not in the spirit. Nicht im Geist. Pour ces gens-là, quelquefois, c'est nous qui sommes en train de, on est en train de les prévenir, on les prévient, les empêcher, on les empêche de venir vers Jésus-Christ parce que on a toujours pitié pour leur chair, pour leurs circonstances. Amen. You know, there was a pastor talk about a man that left his ministry. Ein Pastor hat über einen Mann gesprochen, der seine Gemeinde verlassen hat. Ja, ein Pastor, parlé d'un homme qui a quitté son église. Qui a quitté son église. He said they started praying for him. Sie haben angefangen für ihn zu beten. Ils ont commencé à prier pour lui. Tag und Nacht. Chaque jour et nuit. And after some time, some months, he met that man and he said. The man spoke to him that then they both spoke together and he said, the man said, everything is moving fine and I don't have any problem. Then That he said he, this man of God said he was surprised that everything was fine with him. Und als sie sich dann nach ein paar Monaten, because he know that I'm coming here. He knows that once you leave Christ, definitely there's going to be problem. Mm-hmm. It might not be immediately, but you are going to, because you know, if once you leave light and you enter dark room, there's a difference. Und hat dann halt diese Person dann nochmal getroffen draußen und hat dann gefragt, wie geht's dir? Und dieser Mann, der seine Gemeinde verlassen hat, hat gesagt, ja, mir geht's ganz gut, alles läuft, meine Geschäfte laufen, alles ist gut. Und der Mann Gottes war überrascht darüber, weil er wusste, dass wenn Leute Jesus Christus verweigern, dass es geht bergab. Es geht auf jeden Fall bergab, weil du aus dem Licht in die Dunkelheit gegangen bist. Mm. Et puis quelques mois après, quand le pasteur a rencontré cet homme en question, et l'homme a dit que le pasteur lui a demandé comment vas-tu, et l'homme a dit que oui, moi je vais très bien et tout va parfait et tout marche bien. Et le pasteur là a dit que j'étais vraiment surpris parce que normalement je sais que quand quelqu'un quitte l'église, qui quitte Jésus-Christ et n'est plus dans son... normalement cette personne ne va plus bien parce qu'il n'est plus dans la lumière, il appartient maintenant à les ténèbres. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this man of God now prayed and asked the Lord, why? Der Mann Gott hat sein Gebet zu ihm gebracht. Et le pasteur, quand il est rentré à la maison, il a prié, il a demandé à Dieu, Père, pourquoi cet homme maintenant il va bien maintenant qu'il ne t'appartient plus. And the Lord said, you have been praying for him. Der hat gesagt, weil ich für ihn betet. Et Dieu lui a dit que toi et l'Église vous avez prié pour lui. You are protecting him. Ihr beschützt ihn. Vous l'avez protégé. Are you getting it? You have been praying for him and you are surprised that nothing. Du wunderst dich, weshalb sie im Schutz ist. Your prayer is protecting him. Dein Gebete schützen ihm in seinem Bösen. Genre, Dieu lui a dit que toi tu es en train de prier. In his evil ways. Toi tu es en train de prier pour la personne et ta prière est en train de lui protéger, même dans les histoires qu'il est en train de faire qui ne sont pas à moi, mais vous le protégez. They not change their prayer that he receive what he deserves. Und dann haben sie ihr Gebet anders gemacht und dafür gebetet, dass er das bekommt, was er verdient. Et puis ils ont changé leur prière, ils ont changé la prière et disant que il doit la personne le monsieur puisse recevoir ce qu'il mérite. Said after some days that this man ran to the church and said, what do you do with me? Und nach ein paar Tagen ist er mal zu meinem Bruder gerannt und hat gesagt, was habt ihr mit mir gemacht? Was habt ihr gebetet? Was habt ihr gesagt? Et quelques semaines après, cet homme est revenu à l'église et disait que qu'est-ce que vous avez fait avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé? You know, so many times we prevail them. We are just, we are, we, you know, we play Christ. Oft spielen wir Christus. Wir spielen das Gute dieser Welt. Und das Gute dieser Welt ist bösartig. Quelquefois, on est en train de faire genre un Dieu parce qu'on est en train de prier pour eux dans leur situation, dans leurs choses mauvaises qu'ils sont en train de faire. On les appuie, on est en train de les empêcher de venir vers Jésus-Christ parce que le bien de ce monde, ce n'est pas le bien de Dieu. You know, if the Lord is dealing with one person, it's more easier than he's dealing with 2, 3, 4, 5 people. Wenn der Herr an einer Person arbeitet, ist es einfacher, als wenn er an mehreren Leuten arbeitet. Quand Dieu travaille sur une personne, c'est même mieux que quand il travaille sur des personnes différentes. That's why Paul said, if possible, don't even marry. C'est Paul so gesagt, wenn möglich, dann heiratet doch nicht mal. C'est pour cela Paul même il a dit que si c'est possible, non, ne vous mariez même pas. Because once you are married. Wenn du verheiratet bist. Parce que dès que tu es marié. You are no longer two of you. You are no longer two, but one. And that's what the Lord sees. Parce que ce qu'il sieht. Parce que dès que vous êtes mariés, vous deux là, vous êtes plus une personne, deux personnes, vous êtes une personne, et c'est ce que Dieu lui considère. If one say yes and the other one say no, things never work. Wenn einer ja sagt, der andere nein, funktionieren die Dinge nicht. Si un dit oui, l'autre dit non, les histoires ne vont pas marcher. Si vous n'êtes pas en accord. And that's why, you know, people pretend to come to the church and find a wife. And later they will tell that wife, stop the church. Stop your relationship with Christ. I'm tired of it. You know? Leute kommen zur Gemeinde, suchen sich eine Frau und dann tun so, als ob sie zu Jesus wollen. und haben dann eine Frau und dann verbieten sie dieser Frau beispielsweise zur Gemeinde zu kommen. Ja, des gens qui viennent à l'église, des hommes qui viennent à l'église par exemple et puis ils disent oui, je suis sont en train de prétendre comme être un fils de Dieu et dès qu'ils se sont mariés avec la femme en question, il va commencer à dire à la femme ne viens plus, ne pars plus à l'église parce que ça me fatigue ton église. Und das ist sehr üblich. Et c'est vraiment c'est commun. And you are going to do, you know, you sit down, you know, then there will be persecution upon persecution. Und es wird this man, if you say no to him, persecution. Wenn du nein sagst diesem Ehemann beispielsweise, ist Verfolgung. Musst du mit Konsequenzen rechnen. Et tu seras persécuté parce que dès que tu dis non à ton mari, tu auras persécution à la maison, donc tu auras des problèmes. Amen. You know, you are no longer two, but one. Vous êtes nicht mehr zwei, sondern eins. Vous êtes plus deux personnes, vous êtes une personne devant Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. And to say no to his decision or to her decision is hard. Und nein zu sagen zu ihrer Entscheidung oder zu seiner Entscheidung ist hard. Es ist nicht einfach. Et de refuser et de dire non à la décision de ton homme, par exemple, ça sera un peu très difficile pour toi. Ça sera difficile, oui. That's why it takes the Lord's time to join two people together. C'est pour cela que Dieu a besoin. Want to see the root that is rooted. C'est pour cela Dieu a besoin. C'est pour cela Dieu a besoin du temps pour vous mettre pour réunir un couple parce qu'il veut voir la racine. You want to see the tempo. You know, those of you that drive, you know, if you are driving, if you are very fast, very, very fast, to turn will be difficult. Mm. So that speed, you want to see it. You want to see that you maintain it and you are there. Und er will diese Geschwindigkeit messen, ob diese Geschwindigkeit hoch genug ist, um nicht mehr zu wenden. Weil wenn du ganz langsam fährst, kannst du ganz einfach wieder wenden und zurückfahren. Aber wenn du richtig schnell bist, packst du die Kurve nicht. Parce que il veut voir ta vitesse en fait. Il veut voir si ta vitesse va rester la même vitesse pendant des temps et des temps. Parce que quand tu es même dans la courbe et que tu vas en vitesse, quand tu es en train de conduire et tu es en vitesse, c'est difficile de retourner. Donc c'est pour cela qu'il a besoin de temps pour voir si ta vitesse reste la même. Yes, Schatz. Ja, das ist sehr, sehr deep, was du sagst. Because I also know people who said, yeah, but it's a blessing to find a wife. Mm-hmm. It's, you know, the proverb. Yeah, yeah. Mm-hmm. But then you said, don't marry them. Mm-hmm. You know, in the Old Testament. Mm-hmm. I was like, is it even valid for us now? And then I went to the Holy Spirit and asked him, and then he showed me what you really mean. Mm-hmm. Because you marry, but your family is still in the flesh. Mm-hmm. Your family is, if you're going for advice, they're going for advice of the world. So even children, because then you have like a connection. Mm-hmm. If you have children, they go and visit them. Yeah, it's deep. You cannot yeah. Get out. Yeah. It's a chain reaction. You know what it is. Ach so, okay, sorry, ich war gerade zugehört. Also ich habe vergessen, dass du Englisch geredet hast. Sorry. Habe ich aber auch vergessen. It's deep. It's deep. We are talking about lions. Ja, ich habe gesagt, dass das, was Mama gesagt hat, ist sehr, sehr tiefgründig. Und ich habe das am Anfang nicht so ganz nachvollziehen können. Weil es gibt auch zum Beispiel Leute, die waren sogar hier in der Gemeinde und haben auch gesagt, ja, aber in Sprüche gibt es den Vers, wer eine Frau findet, das ist eine Sache vom Herrn, um das so zu begründen, ihre Entscheidung. Mhm. Und auch zum Beispiel im Alten Testament, Mama, war das Nehemia, die okay, let's continue. The Bible verse where it's saying, don't marry them. Don't. That's the Deuteronomy. Ah, okay. Don't marry them, don't marry their children. But there's also another story later. That's Deuteronomy 7, if you go there. Let's go there. Okay, also. Ruhig weiter erstmal. Ja, genau. Und auf jeden Fall, dieser Vers, bindet euch sozusagen nicht an sie, ist sehr, sehr tiefgründig, weil wenn man heiratet, deine Familie ist noch nicht wiedergeboren, die ist immer noch im Fleisch. Mhm. Und wenn du nicht selber in Christus verwurzelt bist, du gehst zu ihm zurück, du fragst nach Rat und vor allen Dingen, wenn du Kinder hast, wer ist denn dann da? Mm. Die kommen ja dann. Oma is going to visit Oma. Mm. Genau. Satan. Oma, Satan. Weißt du, die geben halt. Satan, die Oma. Okay. Die geben halt das, was sie haben. So, und deswegen meine ich. They have religion, they give your son religion or your daughter. Yeah. Und deswegen ist es auch zum Beispiel, in wie vielen Gemeinden wird eigentlich heute noch gepredigt, ey, bevor du Christus vernachlässigst oder versagst, heirate lieber nicht, krieg lieber keine Kinder. Mhm. Wo wird das heute gesagt? Mhm. Ne, alle, oh, you have to marry, you have to have children. Aber ohne Christus, Look at it, Deuteronomy 7, verse 3. He said, neither shall thou make marriage to them. Your daughter thou shalt not give unto his son. No, his daughter shall thou take unto your son. For they will turn away your son from following me. 5. Mose. Vers 7. 7. On va lire Deutéronome 7, 3 à 4 pour expliquer ce que la sœur vient de dire en allemand ici. Vers 3 bis 4. 3 bis 4. For they will turn away your son from following me, that they may serve other gods. So will the anger of the Lord be kindled against you and destroy thee suddenly against you, mm-hmm. you. Ok, je veux lire Deutéronome 3 à 4. Tu n'iras pas avec eux par des mariages, tu ne donneras pas des filles à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles pour tes filles. Car ils détourneront de moi tes enfants qui ira rendre un culte à d'autres dieux. Ma colère s'enflammera alors contre vous et je ne retarderai pas à vous exterminer. Praise the Lord. Et en fait, avec ce verset biblique, on vient d'expliquer ce que la sœur nous vient de dire aussi en allemand, qu'il faut faire attention parce que même si vous êtes en Christ et ta femme, par exemple, vient dans un côté qui sont vraiment des païens. Quand vous aurez des enfants et vous continuez à fréquenter la famille, ça peut vous empêcher, vous enlever de lui. Et c'est ce qu'elle a expliqué ici comme exemple. You know, people don't even know. You know everything in the Bible. They are saying the same thing. He said, he who find a wife find a good thing. A good thing. A good thing. The only good thing is Christ. Und wir dürfen halt nicht vergessen, dass diese Bibelverse, die widersprechen sich nicht gegenseitig. Wenn die Bibel davon spricht, dass wer eine Frau von etwas Gutes findet, ist es, weil es eine Frau in Christus ist, durch Christus ist, weil nur Christus gut ist. On doit comprendre que on doit comprendre que la Bible ne se contredit jamais. On doit comprendre que la Bible ne se contredit jamais. Parce que ce qu'on vient de lire, il y a des gens qui disent que ça se contredit à travers un proverbe quand il est écrit qui trouve une bonne femme est heureux. Mais il parle seulement de la femme qui trouve la femme de Jésus-Christ. Donc une femme qui appartient à Jésus-Christ. Pas une femme païen, une femme qui est païen, donc ça se contredit pas. If you are in the flesh, then you see the Bible fighting one another. I don't fly. But if you are in the spirit, he will find a wife, find a good thing. You know, a good thing. What is good? This Mark 10. Jesus said it's only the true God that is good. Wer eine Frau findet etwas Gutes, was ist gut? Markus 10 lesen wir, dass nur Gott gut ist. Mm. Na, deswegen widerspricht sich das nicht. Widerspricht sich nur, wenn man im Fleisch ist. La Bible dit que qui trouve une femme trouve une bonne chose. Mais qu'est-ce qui est bonne chose? Dans la Bible, il est aussi écrit que c'est seulement Jésus-Christ qui est la seule chose qui est bonne dans ce monde. Donc ça signifie que la femme doit être unie à Jésus-Christ pour être une bonne femme. And on also in Matthew 19, where Jesus said, what God have joined together, what God, and not what Satan have joined together. Oder auch in Markus. Not 19, what beauty, what money have joined together, what Christ have joined together. So they are saying the same thing. Verbunden hat, kann niemand trennen. nicht das, was Geld oder Schönheit oder Kultur oder gemeinsame Zeit oder gemeinsame Interessen zusammenfügt, sondern das, was Christus zusammenfügt. Und da ist auch wieder kein Widerspruch, weil es da auch wieder nur um Jesus Christus geht, wie bei den anderen Versen. Dans Marc 5, il aussi est écrit que tout ce que Dieu a uni ensemble, ça, c'est pour toujours. Il n'y a personne qui peut le détruire, mais il dit que c'est que Dieu a uni. Pas ce que la beauté ou bien l'argent a uni. Parce que c'est seulement Dieu qui est capable d'être au contrôle de ce que lui il donne. Donc, il ne contrôle pas ce que lui il donne pas. Ich weiß noch ganz genau, wo Papi halt meinte, dass die Verbindung zu der Familie im Alten Testament halt noch größer war. Mhm. Und ich würde sagen, dass die Verbindung zur Familie immer noch da ist, aber jetzt reden wir durch Jesus Christus, von der Familie von Christus. Mhm. Deswegen müssen wir halt wirklich darauf achten, dass wenn wir dann jemanden heiraten, dass er da wirklich halt jemand, der halt in Christus ist. Und wenn jemand wirklich in Christus ist, ist die Verbindung nicht mehr so zu der weltlichen Familie, wenn die halt nicht in Christus sind. Ja, praise the Lord. Hallelujah. Genau. You get what he just said. You know, your relationship, and you know, the Lord trains you that you are now, it's now, you are now single-minded. That's Amen. Christ. Amen. Christ mind. You understand? You take away all this nyama-nyama. You take them away from you. All this, you know, all these bag and baggages. The family that refused to choose Christ. They all, you know, your focus, even your marriage, they might not even be there. And that should not even bother you. Mm-hmm. Well, you know, you don't want Satan to be in your marriage. Yeah. Und der Herr wird euch so ausbilden, dass ihr einsinnig seid, einsinnig auf Christus, also gesinnt seid auf Christus und deswegen ihr euch nicht mehr von der weltlichen Familie wieder verführen lassen könnt, ne? Dass ihr da nicht wieder diesen Weg zurück sucht, sondern dass ihr wirklich fokussiert seid auf Christus und dass ihr sogar in Kauf nimmt, dass Leute, dass Familie nicht zur Hochzeit kommt, in Kauf nimmt, dass Familie, keine Ahnung, keine Beziehung haben werden zu euren Kindern, weil ihr nur noch Christus seht. Aber um sowas durchzuziehen, um auf so einem Niveau zu sein, muss der Herr euch ausbilden, weil das ist sonst, ist es menschlich gesehen unmöglich, diesem Druck zu widerstehen. Et c'est pour cela qu'on venait de dire que c'est vraiment important d'être, de laisser Dieu t'éduquer, te former, parce que quand Dieu vous forme, vous devez, avec sa propre mentalité, vous avez seulement une mentalité, et la mentalité, c'est la mentalité de Jésus-Christ lui-même. Et avec ça, vous avez la force, à travers vous avez la force de résister à vos familles naturelles, par exemple, qui n'appartiennent pas à lui. Là, vous pouvez dire que oui, si vous n'appartenez pas à lui, vous ne pouvez pas aussi me suivre, être avec moi ou être part de ma famille. C'est là, vous êtes seulement capable de le dire si vous êtes mature en Jésus-Christ, si vous avez entre vous deux, en fait, vous avez entraîné votre mentalité en lui. We are not talking about family that go to church. We are talking about the family that have Christ. Wir reden nicht von einer Gemeinde, die eine Kirche besucht, die zur Kirche geht, sondern wir reden von einer Familie, die zu Christus gehört, die wiedergeboren ist im Namen von Jesus Christus. Et en fait, on parle pas d'une famille qui part à l'église. On parle d'une famille qui est vraiment un en Jésus Christ, qui a vraiment une relation vivante avec Jésus Christ. Remember Matthew 18, Jesus, until you are converted and be like this little child. To be converted and now you are now like he said you are not there. Oder erinnert euch an Matthäus 18. Start about going to church and going to church and being. Wo Jesus auch sagt, erst wenn ihr verwandelt seid und so wie dieses kleine Kind seid, erst dann könnt ihr in das Königreich Gottes eingehen. Nicht, wenn ihr immer noch euren eigenen Kopf habt, immer noch euren eigenen Willen, euren eigenen Wege und meint, ihr gehört zu Christus. Et vous rappelez-vous, Dieu a dit aussi dans le Nouveau Testament que si jusqu'à ce que vous serez convertis comme des petits enfants, donc ça signifie que si vous n'avez pas encore converti ou bien renouvelé vos pensées, vous deux, à ce niveau-là, yes, c'est impossible pour vous d'être comme lui. Donc, vous devrez vraiment vous transformer, en fait. Ja, wenn man Nehemia 13 liest, da ist auch die Rede von Bileam. Deswegen komme ich auch nochmal auf diesen Vers. 25 bis 27 steht das auch. Sogar im Alten Testament die Ermahnung über König Salomo, dass er sich von diesen ganzen fremden Frauen verführen lassen hat. Und in Esra 9 und Esra 10, jetzt müsst ihr euch festhalten, da wurden sogar die Frauen geschieden, weil Gott es gesagt hat. In Nehemiah 13:25-27, there's even in the Old Testament where it says about King Solomon that he was seduced by all those foreign women who were not of Christ. And in Ezra 9 and 10, God commanded the people to divorce the foreign women. To divorce them. Praise the Lord. Yeah. You know, though he hate divorce, but he value his kingdom more than any other thing. But he was not involved in the marriage in the first place. Okay. Yeah. Okay. Yeah. And die Sache ist, dass Gott hasst Scheidung. Ne? Es gibt ein Bibelvers, wo ganz klar steht, dass Gott Scheidung hasst, aber er schätzt sein Wort und seinen Willen mehr als das. Ne? Und deswegen ist ihm das lieber, dass du dich scheiden lässt, als dass du halt ohne ihn in die Hölle gehst. Und auch Papa hat auch nochmal gesagt, dass auch diese Ehen, die geschlossen worden sind, sind ja noch nicht mal in seinem Namen geschlossen worden. Deswegen, er sieht diese Ehen ja noch nicht mal an, geschweige denn, dass es ihn interessiert, ob die geschieden werden oder nicht. Et on vient aussi de dire que Jésus-Christ, Dieu lui-même, il déteste le divorce, par exemple. Il déteste le divorce, c'est aussi écrit dans la Bible. Mais il préfère que les gens puissent se divorcer pour sa propre volonté. Parce que quand les gens ont fait ce mariage, ils n'étaient même pas dedans. Ils ne se sont même pas mariés à son nom. Donc, ce n'est même pas lui qui les a autorisés. Donc, c'est pour cela qu'il permet aussi ce mariage et ce divorce. Et ça ne l'intéresse pas aussi parce qu'il était même pas part, il faisait même pas part de ce mariage. Et il reconnaît son royaume et sa volonté, c'est si grand, donc il ne veut même pas mélanger les deux. La volonté de l'homme et sa propre, en fait. You know, for the Lord, you have a promised wife, a promised husband, promised children. What do you call him? Ishmael. He never called Ishmael. So, you know, he did not even. He said, Isaac, your only son. For him, it's Isaac. Mm. And not the other one. That alone will tell you something. Mm. It is God that brings children. It's God that brings children. Satan also gives children. Mm. And, Und genauso das sehen wir auch bei Isaac und Ismael, bei Abraham, dass Gott halt nur Isaac angesehen hat und Ismael hat er gar nicht angesehen als das Kind. Ne? Und deswegen kann man dann halt nicht darauf plädieren, ja, aber Gott, alle Kinder kommen von Gott oder Gott hasst Scheidung. Nein, wenn es nicht von Christus ist, dann weg damit, dann will er das nicht, dann sieht er das nicht, dann erachtet er es nicht. On doit comprendre que Dieu a une femme promise pour toi, un homme promis pour toi et des enfants promis pour toi. Parce que tout le monde, par exemple, dit que oui, mais c'est Dieu qui donne les enfants. Oui, mais tu dois comprendre que le diable aussi donne les enfants. Quand on voit à la Bible, il est écrit que Abraham, que Dieu n'avait même pas considéré Ismaël comme un fils d'Abraham. Il a dit un jour, prends Isaac, ton seul fils. Donc, ça signifie que malgré, naturellement, il avait deux fils. Donc, pour dire qu'il considère que celui qui lui appartient et tout ce qui n'appartient pas à lui, il ne considère pas. Genau, und deswegen hat der Herr eben versprochene Kinder, eine versprochene Ehe. Mhm. Aber wenn der Herr etwas für dich hat, dann heißt aber auch gleichzeitig, dass der Satan auch etwas für dich hat. Ne? Und deswegen müssen wir uns halt entscheiden, was wir wollen. Praise the Lord. Halleluja. It's better I don't have any child than having children from Satan. Yeah. Es ist besser, keine Kinder zu haben, als Kinder vom Satan zu haben. C'est mieux pour moi d'avoir de ne pas avoir des enfants que avoir un enfant qui vient du diable. A son that my the true God will say is not my son. Ein Sohn, der von dem wahrhaftigen Gott nicht als mein Sohn anerkannt wird, will ich nicht. Un fils que Dieu ne va pas reconnaître comme son fils. Moi, cet enfant, je ne veux pas. You can see the son, he did not call his son. What is all about today? Weil ihr seht, was dieser Sohn, den er nicht Sohn genannt hat, gebracht hat. Der Islam ist daraus entstanden. Evil. Tod, Zerstörung. Vous voyez, ist daraus entstanden. A partir d'Abraham, vous voyez que Ismaël, d'abord d'Abraham, quand il a eu ses deux fils, à partir de lui, quand on voit que le fils, que son fils, que lui n'a pas appelé le mien, on voit ce qu'il a amené aujourd'hui. Il a amené, les musulmans, il a amené des descendants qui ne viennent pas de Dieu. Donc, il faut vraiment faire attention. I would be surprised to you know, if Ishmael is in heaven. I would be surprised. Ich wäre überrascht, wenn ich Isaac im Himmel Ismaël. Je serais vraiment surprise si Ismaël était au paradis. Praise the Lord. Dans notre royaume. Amen. Amen. They celebrate. Just like we celebrate, but they celebrate death, we celebrate life. Und die Menschen der Welt, sie feiern so wie wir feiern, aber sie feiern den Tod und wir feiern das Leben, Jesus Christus. Les gens de ce monde, ils sont en train de fêter comme nous en fait, mais ils sont en train de célébrer, ils ne célèbrent pas Jésus Christ comme nous, ils sont en train de célébrer la mort. On va lire un proverbe. You know, if you are in the flesh, you follow the things of this world so much. Si tu es dans ce monde, Arthur, proverbe 18, si tu es dans ce monde, tu vas commencer à donner beaucoup de valeur aux choses de ce monde. Mais est-ce que c'est important? In Africa, they love children, they love grandchildren. Und Enkelkinder, aber sie lieben nicht Christus. Comme en Afrique par exemple, ils aiment les enfants, ils aiment les grands, les cocos, les petits enfants, et mais ils aiment pas Jésus Christ en fait. There's nothing wrong in having grandchildren, but allow Christ to be in the grandchildren. Amen. Es ist nicht schlimm, Enkelkinder zu haben, aber lass uns dass Christ in den Enkelkindern ist. C'est pas grave d'avoir des petits enfants, mais tu dois vraiment autoriser Dieu être dans ces petits enfants. And it should be I want to see the Christ in the grandchildren. Sollte eher sein, ich will Christus in meinen Enkelkindern sehen. It's not about grandchildren, it's about Christ. Meine Enkelkinder an sich sehen. Tu dois vouloir voir Jésus Christ dans tes petits enfants et pas seulement voir les petits enfants en train de jouer comme ça. Donc tu dois voir vraiment Dieu lui-même dans leur vie. It's good, you know, if it is coming from Christ, good, wonderful. Wenn es von Christus kommt, ist das wundervoll, ist ein Segen, ist gut. Si ces petits enfants viennent de Dieu, ça vient de Jésus-Christ, ça c'est vraiment, c'est une bénédiction, ça c'est bien. If it is coming from Satan, it's a curse. Aber wenn es vom Teufel kommt, ist es ein Fluch. Mais si ça vient du diable, c'est une malédiction. No matter how much, you know, that son might have money, might be rich, might have children, might have everything, it's a curse. Egal wie viel Geld und Ansehen und Ruhm dieses Kind bringt oder hat, es ist dennoch ein Fluch, weil es nicht von Christus ist. Peu importe si l'enfant est vraiment il a beaucoup d'argent ou bien il est né avec des dents, je sais pas quoi, mais si ça vient pas de Jésus-Christ, il reste une malédiction. You know, when I just look at how people fight for things. Wenn ich mir anschaue, wie Menschen um Dinge kämpfen, auch in der Gemeinde. Si je regarde même dans les églises combien les gens sont en train de se battre pour les histoires, the church, pour les choses mondaines. The people that we say they are God's family. You know how they live it. For them, it's all about to make it in this world. You don't fight to make it. You fight to believe you are made it. Christ is your maker. Amen. He made it. Amen. Und die Leute, die immer noch rumkämpfen, es zu schaffen, die um ihren Durchbruch kämpfen, aber obwohl sie Kinder Gottes sind, aber nicht verstehen, dass sie schon alles geschafft haben, weil Christus alles für sie geschafft hat. Und dass sie einfach nur den Herrn dafür danken sollen, dass er alles für sie geschafft hat. Amen. On voit les enfants, on voit les enfants dans des églises, les enfants de Dieu dans des églises, ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu, mais pour eux, il s'agit seulement de devenir quelqu'un dans ce monde. Ils sont en train de se battre, avoir des éducations pour devenir quelqu'un dans ce monde. Mais ils ne comprennent pas que à travers Jésus-Christ, ils sont déjà quelqu'un dans ce monde. Parce que c'est Jésus-Christ qui donne leur valeur et ce n'est pas les histoires de ce monde qui leur donnent de valeur. Mm-hmm. You want to say something? Yeah, ich habe eine Frage dazu, Mama. Und zwar, for example, nowadays in Germany, a man and a man can marry, or a woman and a woman. Yeah. Woman. Yeah, I know it's not relevant in the church now, but there may be some visitors who have the same question. Mm-hmm. So, and if they are, for example, they are married before the government, and now come to church and are saved, and having a true relationship with Christ, it's the Lord is going to separate them. Okay. Mm. It's as simple as ABC. Yeah. Mm-hmm. It's not, God did not say to Eve, mm-hmm. Eve and Eve. Yeah. Also der Herr wird das Ganze. Oh, Stephen and Stephen. Also, oh, what do you call it? Adam and Adam. You understand me? It's not John and Adam, mm-hmm. or John and Peter. There's nothing like that in the Bible. It is evil. No. The spirits. But if they come to the true Christ, yeah. there's going to be separation. Mm. Because the change is going, even no one will even tell them to do that. Mm. It's automatic. Yeah. Yeah. Yeah. And for example, this kind of divorce or separation mm. is even from the Lord. It's from the Lord, and yeah. Not because there are even so-called Christians who might argue that this is also from, that they're together, that they're married. Oh. And so... Mm. Okay, so translation. They argue everything. Okay. You don't let them argue to death. Auf jeden Fall ist das der Herr wird das auf jeden Fall splitten und es ist doch nicht mal der Herr, also es ist die Wahrheit, die das auftrennen wird, ja, die das ausspalten wird. Und das ist die Wahrheit, die es ausspalten wird. Deswegen muss man diesen Leuten, dass wenn sie wirklich zum wahrhaftigen Jesus kommen, wirklich dann wiedergeboren werden, muss man ihnen nicht sagen, dass sie sich zu trennen haben. Sie werden selber wissen, dass das nicht von Christus ist und diese Beziehung, diese Bindung auflösen, mhm. ne, um Christus dann zu folgen. En fait, notre sœur Nini vient de poser une question. Elle a dit que si par exemple deux PD homosexuels se sont mariés ensemble avant de devenir à Jésus-Christ et qu'ils viennent à l'église et ils sont aussi sauvés et ils ont une relation avec Dieu, est-ce qu'ils seront aussi devant Dieu s'ils ont continué leur relation? Et maman vient de dire que Dieu va les séparer ou bien ça va venir automatiquement parce qu'ils vont commencer à avoir la relation avec la vérité. La vérité ne dit pas qu'il y aura deux Adam qui vont se marier ou bien qui seront unis. Adam et Ève, tout ça, c'est l'homosexualité, c'est quelque chose de spirituel qui ne vient pas de Dieu. Et ce divorce qu'ils vont avoir, c'est même un divorce qui vient de Dieu parce que lui, il ne tolère pas des bêtises dans son royaume. Praise the Lord. Alléluia. Again, they celebrate death, we celebrate life. Sie feiern den Tod, wir feiern das Leben. 18:21. Sprüche 18. It said death and life. On va dire 21. Proverbe 18:21. 18:21. Death and life are in the power of your tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Mm. Amen. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elle aura produit. What comes out from your mouth? Was aus unserem Mund rauskommt, is either dead ist entweder or Tod life? Oder Leben. On doit comprendre tout ce qui vient de notre bouche, c'est ou la vie et ou la mort. Christus oder der Satan. Jésus-Christ ou le diable. Keine dritte. Il n'y a rien qui you know what people say? Okay, it's not Christ, it's not Satan, it's just something. Ey, wisst was Leute sagen? Es ist nicht Christus, es ist nicht der Teufel, es ist einfach nur... Aber lügt die Bibel hier? On sait qu'il y a des gens qui veulent créer un troisième, dit oui, ce que je viens de dire, c'est pas Jésus-Christ, c'est pas le diable, j'ai seulement dit. Donc c'est comme si tu veux dire que la Bible est en train de mentir, parce qu'il dit qu'il n'y a que deux pouvoirs. Amen. Colossiens 3:4 said Christ is our life. Colossiens 3:4 steht, dass Christus unser Leben ist. Colossiens 3 nous dit que Jésus-Christ qui est notre vie. You know, John 3:36 talks about 3, life also. John 36 geht es auch um Leben. Amen. We celebrate life. Wir feiern das Leben. Nous, on célèbre la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. John 3:36. John 3:36. Praise the Lord. Hallelujah. Are we there, please? Mm. he that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life. But the wrath of God abideth on him. Shall not see life. They don't have life. Sie werden das Leben nicht sehen, weil sie das Leben nicht haben. Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne reconnaît pas sa vie. La vie, il reste sous les coups de la colère de Dieu. We have life. Wir haben das Nous, Leben. On a la vie. Amen. Wir feiern das Leben. Nous, on a la vie. C'est pour cela qu'on va célébrer la vie. We celebrate Christ because Christ is our life. Wir feiern Christus, weil Christ unser Leben ist. On célèbre Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est notre vie. We celebrate the spirit and not the flesh. Wir feiern den Geist und nicht das Fleisch. On célèbre l'esprit et pas la chair. Johannes 6. On va lire Jean 6. It is the spirit that quickens. 63 ist der Geist, der lebendig macht. C'est l'esprit qui nous donne la vie. You see our celebration, we celebrate the spirit. Unsere Feier, wir feiern den Geist, nicht das Fleisch. It is the spirit that quickens. The flesh profited nothing. The word that I speak, the word that I speak, not the word that Moses speaks. The word that I speak, unto you, the Spirit, sie sind Geist und Leben. Amen. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair à elle ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dit sont esprit. Donc il dit que ces paroles sont esprit. Praise the Lord. Alléluia. The word that I speak, they are spirit and life, and not flesh and death. Die Worte, die ich spreche, flesh is death, spirit is life. Amen. Der Geist ist Leben, aber das Fleisch ist Tod. L'esprit c'est la vie et la chair c'est la mort. Who are those you celebrate your birthday with? Wer sind die Menschen, mit denen du deinen Geburtstag feierst? Ce sont quelles personnes avec qui toi tu es en train de célébrer ton anniversaire? You know, I cannot even say everybody happy birthday. Ich kann nicht jedem zum Geburtstag gratulieren. Weil ich weiß nicht, was sie feiern. Comme moi par exemple, j'ai du mal à dire à tout le monde joyeux anniversaire parce que moi je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de célébrer dans leur vie. If you are not celebrating Christ, I cannot even tell you happy birthday. Wenn du nicht Christus feierst, kann ich dir dann nicht mal gratulieren. Si tu ne célèbres même pas Jésus-Christ, moi je peux pas te Amen. You join them in celebrating Satan. All the time. Wir unterstützen wir darin, den Satan zu feiern. Parce que ce qu'on est en train de dire des meilleurs vœux aux gens qui ne célèbrent pas Jésus-Christ dans leur vie, on est en train de les soutenir dans leurs choses mauvaises. They are celebrating their flesh. And you know it's all about their flesh. And you ride them, you form them, you ride them, you tell them happy birthday. Dennoch gratulierst du ihnen. Und sagst ihnen alles gut zum Geburtstag. Tu sais qu'ils sont en train de célébrer la chair, ils sont en train de donner beaucoup de valeur à la chair et toi tu dis oh wow happy birthday donc célèbre bien meilleurs vœux, tu es en train de les appuyer. Qui es-tu? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I don't want them to celebrate any birthday with me. Und ich möchte auch except they come to Christ. Mit mir feiern, es sei denn, sie feiern, sie wollen zu Christus kommen. Et moi aussi, je ne veux pas qu'ils puissent fêter avec moi, sauf ils acceptent aussi de venir vers Jésus-Christ. Is somebody getting it? Mm-hmm. You know, we were in Nigeria. My mother-in-law died. She went to be with the Lord. And the Lord said we should go there because she is a son of God. Meine and not because of the flesh. Schwiegermutter ist zum Herrn gegangen. As a mother-in-law. Und deswegen, it's not because of mother-in-law, but because she belonged to him. Mm. That's why we should go there. Meine Schwiegermutter ist zum Herrn gegangen und wir sind dann nach Nigeria geflogen und der hat gesagt, wir sollen dorthin fliegen, weil meine Schwiegermutter seine Tochter war, ein Kind Gottes war und deswegen sollen wir da hingehen. Er hat nicht gesagt, ich soll da hingehen, weil ich ihre Schwiegertochter bin und es traditionell oder kulturell so verlangt wird, dahin zu gehen, um das zu machen. Sondern nein, weil sie seine Tochter war, sollten wir da hingehen, um das einfach zu feiern, den Herrn zu danken. Quand ma belle-mère est morte, par exemple, Dieu m'a dit d'y aller, pas pour la chair, pas pour aller pour célébrer parce que moi je suis ça, elle était ma belle-mère ou la grand-mère à mes enfants. Non, il m'a dit d'y aller parce que elle était sa fille, elle est sa fille. Donc c'est pour cela que je suis partie là-bas, parce que elle est sa fille, on doit pour remercier Dieu pour sa vie qu'elle avait eue sur terre. You know, Jesus was never sad when he did not celebrate anything with the family, the natural family. War niemals traurig, aber wenn er Dinge nicht mit der natürlichen Familie gefeiert hat. Jesus Christ, for him, it was all about the disciples. Ihnen ging es immer nur um die Jünger. Jesus Christ n'était jamais triste quand il n'avait pas l'opportunité de célébrer avec sa famille naturelle. Parce que lui, il donnait seulement de valeur à ses disciples, à sa famille spirituelle. You know, through the celebration of the life of Christ that our mother lived, you know, I did not see one single family of mine that built, you know, the natural family, one. Out of how many are we? So many, one. You know, I did not even remember to be sad. I was so happy. You know, to have Christ is so wonderful. Amen. With him, you know, one with him, once you have him, you are majority. Amen. It was when we came that Ogevana mentioned that he is so proud that of Christ in us, that look at me, he gave it as an example. That none of my family, the natural family, we are there. But there was nothing. There was nothing that there's provocation, there's anger, or I'm sad. I don't know. It was then I even remember that they were not there. I did not even remember that they were not there. All true. Because for me, the family of Christ, I'm so satisfied. Amen. I'm so satisfied. Be satisfied with Jesus. Amen. Und bei der Beerdigung von meiner Schwiegermutter die Familie meinerseits komplett nicht anwesend. Und ich habe das gar nicht wirklich realisiert. Ich habe es erst sogar realisiert, als wir wieder in Deutschland waren und Ogeva das Zeugnis gegeben hat, dass er stolz auf mich ist, dass ich das gar nicht gesehen habe oder dass mich das gar nicht runtergezogen oder traurig gemacht hat, dass sie nicht da waren. Und ich bin dankbar dafür, dass mein Fokus so sehr auf Christus ist, dass mir halt einfach nur Christus wichtig ist. Ne? Dass ich halt einfach zufrieden bin mit Christus, zufrieden bin mit der Familie in Christus. Ne? Und dass in Christus meine Freude liegt und nicht in den Menschen, die da waren oder nicht da waren. Amen. Elle dit aussi qu'elle se rappelle aussi quand on était parti au Nigeria, dans l'enterrement, il n'y a personne de sa famille, de la famille de maman qui était là. Et normalement, traditionnellement, il devrait même être là. Mais quand ils sont rentrés, il y a son fils qui a donné même un témoignage pour dire qu'elle était fière de lui, d'elle, parce que elle s'est même pas souciée, elle n'était pas triste que sa famille n'était pas là. Elle n'y a même pas pensé, parce que elle dit qu'elle remercie aussi Dieu parce qu'elle était seulement satisfaite avec Jésus-Christ. Elle était là avec la famille en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on doit vraiment apprendre d'être satisfaite seulement avec Jésus-Christ, de ne pas laisser nos pensées nous emmener dans la chair ou d'être triste parce que nos familles naturelles ne sont pas là. Donc on ne doit pas les considérer, on doit seulement considérer Jésus-Christ lui-même. You know, this flesh family, it is not that the idol worshippers, they go to church. Und some people have church. Full of religion. Ich hier spreche, es ist nicht eine Familie, die Satanisten sind oder die Götzen anbeten, sondern es sind Leute, die Pastoren sind, die predigen, die zur Kirche gehen, aber es sind religiöse Menschen, die Wahrheit hassen und verweigern. On doit comprendre que la famille naturelle, c'est pas seulement sa famille naturelle ne sont pas des gens juste des païens, non, ils sont des gens qui partent dans des églises, qui sont des pasteurs, qui sont supposés connaître Dieu et qui n'étaient pas là. Donc ce sont des gens religieux et pas qui n'ont pas une relation vivante avec le vrai Dieu. Praise the Lord. Amen. You know, those you congratulate. Den Leuten, denen du gratulierst. Tout le monde que tu souhaites tes meilleurs vœux. Praise the Lord. Hallelujah. Allow it to be rolling. the family of Christ. Dass du das nur die Familie von Christus ist. Tu dois vraiment permettre que tu dois donner souhaiter tes meilleurs vœux seulement aux enfants de Dieu. If we take an example from Christ. Wir uns Christus zum Vorbild nehmen. Look at Peter. Just look at Paulus. Schau dir Petrus an. On doit vraiment prendre Jésus-Christ comme notre exemple. Regarde sa vie avec ses disciples. Amen. Amen. Look at all of them. You know, the Bible is big and there are many things here. Paul wrote a lot. There's only a place I now found out. I said, okay, Paul did not fall from sky. Not he fell from sky. Die Bibel ist groß und Paulus hat sehr viele Dinge geschrieben und es gab dann eine Stelle, wo ich schon verstanden habe, krass, Paulus ist ja doch nicht vom Himmel gefallen, sondern er hatte auch eine Vergangenheit. Er hat auch irgendwohin gehört vorher. Il y a aussi une place dans la Bible est grande quand on lit, il y a seulement une place que j'ai trouvée qui m'a fait comprendre que Paul aussi avait une famille. Il n'est pas descendu du ciel comme ça. Praise the Lord. Mm-hmm. You know that very place talk about Paul's sister. Hier diese Stelle spricht über die Schwester von Paulus. Amen. Amen. Mm-hmm. Okay, I'll see it later. I'll get it later. Amen. Amen. Amen. Amen. You know, when I read there, I said, this man is from here, not from the sky. Because if you look at everything he wrote in the Bible, nothing natural family, but the supernatural family. Und da habe ich verstanden, dass dieser Mensch ist anscheinend doch nicht vom Himmel gefallen. Er hat auch eine Familie gehabt. Er hatte auch wahrscheinlich früher Freunde oder eine Verbindung zu anderen Menschen, die nicht von Jesus waren. Und das ist einfach so krass und überwältigend, weil wenn wir uns anschauen, was Paulus geschrieben hat, würdest du meinen, dass er wirklich vom Himmel gefallen ist, dass er niemanden früher hatte. Aber er hatte diese Leute, aber jetzt erachtet er nur noch die Familie von Christus. Und das sehen wir auch in der Art und Weise, wie er schreibt, dass er einfach immer nur von der Familie von Christus geschrieben hat und so gut wie nie von seiner irdischen Familie irgendwas geschrieben hat. On voit aussi dans la Bible que elle a trouvé un verset biblique qui dit que Paul avait une sœur. Elle va nous dire quel verset ça c'était. Donc il avait une sœur, il avait une sœur et là elle a compris waouh, ce garçon avait aussi une famille naturelle, mais lui, il a écrit presque l'entière Bible et il s'est seulement adressé aux frères et sœurs qui appartenaient à Jésus-Christ, les enfants de Dieu. Il a vraiment beaucoup écrit. On voit comment il avait écrit, avec quel amour il avait. Et il a seulement... Acte 23, verset 16. Il les a seulement... Il a seulement parlé à... Acte 23. On va lire Acte 23. Praise the Lord. Amen. Elle a trouvé la place en question, c'est dans Acte 23. Apostelgeschichte 23. Acte 23, verset 16. I said, and when Paul's sister, son head of their line, in wait. Do you see there? Mm-hmm. Als aber der Sohn der Schwester des Paulus von diesem Anschlag hörte, kam er, ging in die Kaserne hinein und berichtete es dem Paulus. Mais le fils de la sœur de Paul entendit parler de Gai, il se rendit à la cité, y entra et prévenit Paul de ce qui se tramait. You know, I thought all the time that Paul was just from because you hardly see anywhere. So today, how we promote the flesh, how we love the flesh, how we never allow the flesh to go. Und ich dachte wirklich früher anscheinend, dass er niemanden hatte, aber anscheinend hatte er Leute. Aber heute sehen wir, wie wir immer noch so verbunden sind mit diesen Leuten, so stolz sind auf diese Leute, so stolz sind auf diese Verbindung, diese Vergangenheit, die wir mit diesen Leuten haben. Und hier sehen wir jemanden, der einfach übernatürlich lebt. Ici on voit même dans Paul, à travers Paul, on voit qu'il avait aussi une famille, mais il n'a pas considéré ça. Il a vraiment vécu surnaturellement. Il voyait que Jésus-Christ et les gens avec qui il traînait, c'était seulement les enfants de Dieu. And we wonder why we cannot get the same result like them. Wir wundern uns, weshalb wir nicht die gleichen Ergebnisse haben wie diese Leute. If you believe like that, you get the same result. Wir so glauben wie sie, haben wir die gleichen Ergebnisse. Et puis nous sommes, les premiers qui sont surpris qu'on a pas, on a même pas le même résultat que eux. Parce que dès que tu crois comme eux et tu es en train d'agir comme eux, tu vas avoir le même résultat comme eux. Christ is no respecter of any person. Christus bevorzugt keinen. Jésus-Christ ne préfère pas quelqu'un et préfère pas l'autre. If you love what they love and hate what they hate, you know it's all about for them. It was all about Christ. If it is all about Christ for you, you get the same result. Wenn du das liebst, was sie lieben und das hassen, was sie hassen, wirst du die gleichen Ergebnisse haben. Ihnen ging es nur um Jesus Christus. Si toi tu aimes ce que les apôtres ont aimé et tu détestes ce que les apôtres ont aussi détesté, comme Paul ici par exemple, tu vas avoir le même résultat parce que pour eux il s'agissait que de Jésus Christ. You know it is you and Christ. Es ist du und Christus. Allow it to be you and Christ. Lass zu, dass es du und Christus sind. Il s'agit que de toi et de Jésus-Christ et ça tu dois vraiment l'autoriser que. Don't allow anything to come in between. Lass nicht zu, dass irgendwas zwischen euch kommt. Zwischen dem Fleisch. Faut pas laisser que quelque chose autre puisse être entre ta relation et Jésus-Christ. You know, those you celebrate your birthday with. You know, marriage is not common. You don't celebrate marriage every year. You know, birthday, especially. Besonders Geburtstage, weil Hochzeiten feiert man halt eigentlich nur einmal im Leben. Les gens que... Not einmal im Leben. Normalerweise. Better be. Some their trainers already in it. Through their own experience. Donc les gens que tu célèbres ton anniversaire avec. These people are the Christ family. Sind diese Leute die Familie von Christus? Est-ce qu'ils sont la famille de Jésus-Christ? You know they might even be going to church. Is Christ number one in their life? Sie gehen vielleicht zur Gemeinde, aber ist Christus die Nummer eins in ihrem Peut-être ils partent dans des églises, mais est-ce que Jésus-Christ est le numéro un dans leur vie? Amen. Do they choose Christ? Is Christ the motive of everything for them? Est-ce que Jésus-Christ est le motif dans leur vie? Est-ce qu'ils sont en train de choisir Jésus-Christ? Those you defend so much. Surtout les gens qu'on est en train de défendre chaque jour. Von dem wir glauben, dass sie errettet sind. Et que tu crois qu'ils sont vraiment sauvés. Is it Christ that directs their life? Ist es Christus, der ihr Leben leitet? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui dirige leur vie? Is somebody getting it? You know, what is the motive behind your birthday celebration? Was ist das Motiv hinter deiner Geburtstagsfeier? Weshalb feierst du Geburtstage? C'est quoi le motif derrière ta fête de l'anniversaire, par exemple? We have only one motive. Wir haben nur ein Motiv, und das ist Christus. C'est quoi ton intention? C'est quoi ton motif? Nous, on a seulement un motif, une seule intention, c'est Jésus-Christ. And those you invite, why inviting them? Die Menschen, die wir einladen, weshalb laden wir sie? Et les gens que tu es en train d'inviter, pourquoi tu les invites? If they are not saved, are you inviting them so that they hear the gospel and be saved? Wenn sie nicht errettet werden, lädst du sie ein, damit sie errettet werden, damit sie das Evangelium hören und dann errettet werden, oder lädst du sie einfach nur ein wegen dir selbst? Si ils sont pas sauvés, ils sont pas nés de nouveau. Est-ce que c'est quoi ton motif? C'est pour que tu les invites pour qu'ils puissent être nés de nouveau, de connaître Jésus-Christ, ou bien il s'agit que de toi, ou bien tu les invites pour qu'ils puissent te voir? You know, we are not against people. Wir sind nicht gegen Menschen. Nous ne sommes pas contre les gens. We are against your choice. Wir sind aber gegen deine Entscheidung. Mais nous sommes contre tes choix. And is somebody getting it? It's not about those people that you invite. It's about you, your choice. Il ne s'agit pas des gens que tu es en train d'inviter. Il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de toi et de tes choix à toi. You know, these people, they're not turning to not be those people. They don't like those people. They don't like... It's not we don't like those people. We don't love what you have. Your choice is evil. You know, if even they are not your family, if they are friends, we will not even love it. Because it is your choice, it's not Christ. Und wir wollen es verdrehen und sagen, wir sind gegen Menschen, wir hassen Menschen, wir wollen Menschen nicht zusammensehen. Aber es ist nicht richtig, sondern wir sind gegen die Entscheidung, sich für den Teufel zu entscheiden. Und das ist egal, ob das dein deine Familie ist, deine Freundin oder dein Hausmeister. Wenn es nicht von Christus ist, dann ist es evil. Mm-hmm. Les gens sont en train de penser que nous sommes contre les familles, contre tes amis et les gens. Nous ne sommes pas contre tous ces gens-là, nous sommes contre tes décisions parce que ça peut être même tes familles, tes décisions. Tant que ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas lui purement, nous sommes contre tes décisions. You know, they turn it and let them know, it's we are there against my mother, they are against my father. No, we are against your choice. You that call yourself a son of God. We are against your value. Aber you value the flesh, you value evil. Wir sind nicht gegen Menschen, wir sind gegen den Teufel. Wir sind dagegen, sich für den Teufel immer wieder zu entscheiden. Praise the Lord. Les gens que toi tu es en train de choisir, par exemple, et ils n'appartiennent pas à Dieu et toi tu continues à traîner avec eux. It is not about the people you invite. Es geht nicht um die Leute, die du einlädst. It's about you. Es geht um dich. Il ne s'agit pas des gens que tu es en train d'inviter, il s'agit de toi-même. Amen. Amen. It is not about the people you celebrate with. Es geht nicht um die Leute, mit denen du feierst. It is about you. Es geht um dich. Donc il s'agit encore une fois, il ne s'agit pas des gens avec qui tu es en train de célébrer, il s'agit de toi-même. Look at what Paul said. Second Corinthians 6. Unbelievers. Ungläubigen. You know, they might be going to church, but they are unbelievers. Sie gehen vielleicht zur Kirche, aber sind Ungläubige. Ne vous mettez pas avec des incroyants sur un joug qui n'est pas celui du Seigneur. You know, that you go to church does not mean you are a child of God. Es ist nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Ich muss immer wieder sagen. Bis man es wirklich versteht. Pas seulement parce que tu pars dans les églises que ça te fait un enfant de Dieu. Donc, faut vraiment comprendre ça. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? You know, you are righteousness. Your righteousness is Christ. Deine Gerechtigkeit ist Christus. Amen. Amen. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à qui s'opposer à sa loi. Toi, tu es juste parce que ta justice, c'est Jésus-Christ. Their righteousness is the flesh. Aber ihre Gerechtigkeit ist das Fleisch. Leur justice, c'est la chair. You know what they do? The good things they do is their righteousness. Das ist ihre Gerechtigkeit. What they call good things. Was sie gute Werke nennen. That they do for people, for themselves. Für sie selbst. Les bonnes choses que eux sont en train de faire, les bonnes choses que eux sont en train de faire pour les gens et pour les autres choses. Pour eux, c'est juste, c'est tout ça, c'est charnel. You know, their righteousness is about what they did. They did, you know what they did not do, what they did. Geht um das, was sie tun und was sie nicht tun. Dans leur justice, il s'agit de ce que eux ils ont fait pour les autres. Ils ont donné aux pauvres, ils ont donné ils ont aidé des gens. Ça c'est leur justice. Our righteousness is what Christ did for us. We believe on Him. Aber we believe on what Christ did for us. He is our righteousness. Denn ist unsere Gerechtigkeit. Notre justice, par contre, c'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce que lui, il a fait pour nous, et ça, c'est notre justice. Félix, can you help us to read it? What communion hath light with darkness? Verse 14. The end of it. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Amen. What communion hath light with darkness? There's no relationship with light and darkness. No relationship. Es gibt keine Beziehung zwischen Licht und Dunkelheit. La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. You can see how risky it is to come to Christ. Ihr seht, wie riskant es ist, zu Christus zu kommen. Et là, tu comprends comment c'est risquant venir vers Jésus-Christ. Yeah. You know, religion comes and we bring you in the middle. But in Christ, there's nothing like middle. Religion versucht dich. Religion versucht, dass du beiden Welten gerecht wirst, der Welt von Christus und der Welt, also dieser Welt. Aber es funktioniert nicht. Du kannst dich nicht halt in der Mitte befinden. Du musst dich für eine Seite auf eine Seite positionieren. La religion veut que tu puisses avoir Dieu, le royaume des cieux et le royaume de ce monde est en train de donc tu essayes d'être dans deux mondes, mais tu dois te positionner. Tu dois il y a que un monde que tu peux suivre. Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? A what concord had Christ with Belial? Or what part had he that believed in Christ with an infidel? You know, they might be going to church, but they are infidels. Sie gehen vielleicht zur Gemeinde, aber sie sind Ungläubige. On a lu verset 15. Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir un commun de croyant avec un incroyant? Was hast du genau gesagt? Die gehen vielleicht in die Kirche, aber sind infidel. What did you say? Ungläubige. Sie hat einen Satz gesagt, aber egal, mach weiter. Praise the Lord. Ok, peut-être ils partent dans des églises, mais ils ne sont pas des croyants. Amen. Amen. You know, if Jesus can call the Jews their father, the devil, you know, the closest people to the Jew, to Christ, naturally, they are the Jews. Wenn Jesus selbst die Juden Söhne des Satans nennen können, wie viel mehr Leute, die einfach ungläubig sind und die Leute, die Jesus physisch gesehen am nächsten sind, aufgrund ihrer Nationalität und Herkunft, sind Juden. Mm. Si Jésus-Christ était capable d'appeler des Juifs qui sont des incroyants, les gens qui étaient promis à être les siens, combien de plus il va appeler des gens qui partent à l'église, qui sont d'autres nations, qui font genre être de l'appartenir, combien de plus il va les appeler les païens? You know, these people, you know, the Jews, they just obey the laws of Moses. Look at what Jesus, put something here, go to Matthew 5. Parce que les Juifs, en effet, sont en train d'obéir, sont toujours en train d'obéir la loi de Moïse. Matthew 5. And we know that Moses was a prophet of God. Und wir wissen, dass Mose ein Prophet Gottes war. On sait que Moïse était un prophète de Dieu. Amen. Amen. And these people believe on Moses. Und diese Leute haben an Moses geglaubt. And Jesus said, your father is the devil. Und Jesus hat aber gesagt, dass ihr Vater der Satan ist. Oh my God. Ces gens, ils ont cru à Moïse, mais malgré ils ont cru en Moïse, Dieu, Jésus-Christ les a dit que leur père, c'est le diable. Amen. You know, and these people, they obey every, almost, you know, look at what Jesus said concerning them. Matthew 5. Matthew's film? Matthew 5. Verse 20. He said, for I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven. You know, these people, they dot all the I and they cross all the T. Diese Leute, die haben einfach alles befolgt. Are you getting it? Matthieu 5, 20, on voit que ces gens ici, ils ont vraiment suivi toute la loi. And Jesus said, your righteousness must be more than their righteousness. Und Jesus sagt aber, deine Gerechtigkeit muss aber ihre Gerechtigkeit übertreffen. Mais Jésus-Christ a dit que notre justice, ça doit être plus que leur justice. Upon all, they are obeying the laws of Moses. Obwohl sie so sehr schon das Gesetz von Mose halten. Malgré ils ont obéi la loi de Moïse. How much more will he call their father the devil today, those that even the laws of Moses, they cannot even go off of what the Pharisees were always going to, or they still go to today. Wie viel mehr nennt die Söhne des Teufels, die noch nicht mal die Gebote von Mose ansatzweise halten können? Donc il dit à ses enfants de dépasser la justice des gens qui ont suivi la loi de Moïse, et combien de plus il va appeler les gens qui n'ont même pas suivi la loi de Moïse, comment, combien de plus il va les appeler les enfants du diable? Infidèles, they are not only, you know, Satan worshippers, or let me say those that worship idols. The church goers that refuse to submit to Christ, they are infidels. Ja, und Ungläubige sind nicht nur einfach Satanisten oder Leute, die andere Götter dienen, sondern es sind auch Leute, die einfach Jesus Christus sich nicht, die Leute, die zur Gemeinde gehen, aber sich Christus nicht hingegeben haben. Quand il parle des infidèles ici, il parle pas seulement des païens ordinaires, il parle des enfants de Dieu qui partent dans des églises, mais qui sont en train de refuser de se soumettre à Dieu et de faire sa volonté. He said, and what agreement had the temple of God with idols? 2 Corinthians 6, 16. Vers 16. On va lire maintenant 2 Corinthiens 6, 16. For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk in them. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. And I will be their God, and they shall be my people. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17. Therefore, come out of them. Come out among them. It's your decision. Es ist deine Entscheidung, die falsch ist. It's not about them. Es geht nicht um die Menschen. He's not talking about, he's talking about you. Er spricht über dich, was du tun sollst. On a lu 16, maintenant on lit 17. C'est pourquoi sortez de milieu d'eux. Donc il dit que tu dois. I know you. Toi, tu dois sortir d'eux parce qu'il s'agit de ta décision. C'est toi qui t'entrais de... c'est toi qui te décides de toujours traîner avec eux. I see your choice that is not Christ. You see that entscheidung. It's somebody gets it. Je vois ta décision que ce n'est pas Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est le problème. It's not about them. It's about you. Your choice is not Christ. Es geht nicht um sie, sondern es geht um dich, weil du in dieser Autorität und Position stehst, zu leben oder tot für sie zu wählen. Il ne s'agit pas de ta famille, il s'agit de toi, parce que toi, tu as l'autorité de décider sur la vie ou la mort pour eux aussi. He said, wherefore come out from among them, and be ye separate, said the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. On a lu jusqu'à 18. Darkness and light cannot walk together. Dunkelheit und Licht können nicht zusammengehen. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas traîner ensemble. Darkness and light cannot celebrate together. Dunkelheit und Licht können nicht zusammen feiern. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas aussi célébrer ensemble. Amen. Darkness and light cannot celebrate birthday together. Dunkelheit und Licht können nicht zusammen feiern, aber schau dir überall das an, was passiert. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas fêter ensemble. Regarde aujourd'hui la vie comme le monde est en train de mixer tout. We celebrate Christ. Nous fêtons Christ. Nous on célèbre que Jésus-Christ. You know, Christ never celebrates anything with the natural family. Christ n'est nichts mit der natürlichen Familie gefeiert. Nothing. Jésus-Christ ne célèbre rien avec la famille. He celebrated what was with his disciples, the Passover. Seine Feierlichkeit mit den Jüngern. Quand il a célébré, il a célébré qu'avec ses disciples. Amen. Amen. Even the mother was not there. You know how the brothers with the siblings. You know, Christmas time is always getting near. Il a célébré que Pâques. Il a célébré que Pâques avec ses disciples. Même sa mère n'était pas là. C'est quand maintenant Noël est devant la porte, tout le monde va voir avec qui célébrer, avec la famille naturelle, avec le diable. You know, they believe it's still, you know, the family get together, if we get together, demons get together. If without Christ, it's demon. Und diese Feierlichkeiten, in denen man zusammenkommt, ob es Weihnachten ist oder Ostern, sonstiges, es geht immer wieder darum, dass Menschen versuchen, als Familie, als eins zusammenzukommen, sich gemeinsam zu feiern. Das ist teuflisch, weil es nicht von Christus ist. Dans des familles, par exemple, comme Noël, les gens veulent se rassembler, ils sont en train d'essayer de se rassembler de partout où ils vivent, mais ils ne comprennent pas que si ce n'est pas Jésus-Christ, c'est comme si ce n'est pas une famille qui est en train de se réunir, c'est le diable qui est en train de se réunir avec vous. We gather together. We know where we gather, but we gather in Christ. Oui, nous aussi on se réunit, mais nous on se réunit en Jésus Christ à travers son nom. Praise the Lord. C'est une autre unité. Amen. Amen. We celebrate. Wir feiern. On célèbre. We blow the trumpet. Wir machen Lärm. On fait des bruits. Amen. Amen. We blow the trumpet. Wir machen Lärm. We blow the trumpet of Christ. Not the trumpet of the flesh. On autorise que notre bruit soit le bruit de Jésus Christ, et pas le bruit de ce monde, de la chair. Matthieu 6. Praise the Lord. Amen. Amen. Matthieu 6. Matthieu 6. From 1 to 4. 1 bis 4. Matthieu 6, 1 à 4. He said, take heed that you do not your arms before me to be seen of them. Otherwise, you have no reward of your Father which is in heaven. Therefore, when thou doest your arms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogue and in the street, that they may have glory of men. That they may have glory. Do you see the reason? Their motive. Von der Welt gepriesen werden. Why he said, they should, you should not sound a trumpet. It is flesh. Verset 2 nous explique pourquoi on ne doit pas claironner des trompettes si c'est à travers la chair. C'est parce que comme les pharisiens les faisaient aussi pour plaire aux gens, en fait. We blow the trumpet. We sound the trumpet. Wir machen Lärm. To praise Christ. Und Christus the glory go to Christ. Nous, and par exemple, to men, yeah. And not to the flesh. Und dieses Lob geht an Christus. Und nicht an das Fleisch, nicht an den Menschen. Nous aussi on fait des bruits, on est en train de claironner les trompettes, mais c'est à travers Jésus-Christ pour que verily, la gloire soit aussi rendue à Jésus-Christ lui-même. I say unto you, they have their reward. But when thou doest arm, let not verse 3. Let not your left hand know what the right hand doeth, that fear thine arms may be in secret, and your Father which seeth in secret himself shall reward thee openly. Amen. Amen. Praise the Lord. Merci, quatre, jusqu'à quatre. There is nothing wrong in blowing trumpet. Il n'y a pas, il y a rien de mal de fêter ou de faire de la bruit, mais c'est quoi ton motif, c'est quoi ton intention? Go to praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, sound the trumpet of Christ very loud. Lässt du, dass diese Posaune von Christus sehr laut ertönt, damit sie rettet? Autorise la trompette de Jésus-Christ vraiment faire des bruits pour les sauver et pour manifester la gloire de l'Éternel. Remember John, he said I must go down, you must go. Erinnert an Johannes, er sagt, ich the muss flesh abnehmen must go down. Und der Herr muss zunehmen. Christ continue to Christus go. Muss weiterhin Amen. Wachsen. Amen. Continue to blow the trumpet of Christ. Weiterhin die Posaune von Christus erläutern. Rappelle-toi de Jean, il a dit que moi je puisse devenir que je puisse diminuer, que Dieu puisse continuer à devenir grand. Donc on doit vraiment la trompette doit vraiment glorifier Dieu. If you are talking about how you children have been there for Christ all the time, months after the month, we are blowing the trumpet of Christ. Wenn wir darüber sprechen, wie Kinder Gottes in der Gemeinde sehen, tun wir das, um die Posaune von Christus zu läutern, nicht die Posaune des Fleisches. Quand on est en train de parler que les enfants de Dieu sont toujours là pour Dieu, c'est pas pour glorifier la chair, c'est pour glorifier Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. The glory goes to him. Diese Herrlichkeit geht an ihn allein. Amen. La gloire va seulement à Dieu lui-même. We are nothing of the flesh any longer. Wir gehören nicht mehr zum Fleisch. Nous, on n'appartient pas à la chair. Amen. Amen. The Lord said, even this building is Christ. Er sagt, selbst dieses Gebäude ist Christus. Jésus-Christ dit que même ce bâtiment appartient à lui. Même Amen. Le bâtiment, c'est Jésus-Christ. Praise the Lord. Notre bâtiment. Go to Isaiah. 61. Isaiah 61. On va lire Isaïe 61. Isaiah 61. Isaiah 61. Verse 6. Isaïe 61, verset 6. He said, but you shall be named the priest of the Lord. Men shall call you the minister of our God. You shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory shall you boast yourself. Praise the Lord. Hallelujah. Why? Because of Christ. Weshalb? Wegen Christus in uns. Pourquoi? Pour Jésus-Christ en nous. Verset 6. Amen. Amen. In 2 Corinthians 10, verse 8 and verse 17. In 2 Corinthians 10. He said we boast. That we boast of Christ. Wir prahlen in Christus willen. Dans 2 Corinthiens, il a dit qu'on est fier. On est fier, mais on est fier de Jésus-Christ en nous. Amen. Amen. Then Proverbs 8:13. What the Lord hates. Das, was der Herr hasst. The boasting of the flesh. Das Prahlen des Fleisches hasst er. Boasting without Christ. Prahlen ohne Christus. À être fier sans Jésus-Christ, être fier de la chair, 13. Ça, Dieu n'aime pas. Sprüche 8:13. Amen. Proverbe 8, if you go there, you see it. Amen. C'est là qu'il est. So also in John 4, verse 3 to 16. Auch Johannes 4, 6, Amen. 3 bis 16. Amen. Amen. Amen. John 4. James 4. Amen. Jakobus 4. Talks about the boasting of the flesh. Geht es um das Prahlen des Fleisches? Même dans Jacques, il était Jacques 4, si on y va, on va dire qu'il va parler aussi de ça. We should go there. Quickly go there. Proverbs 8, verse 13. Yes, I'm already there. Amen. Let's quickly go to food and clothes. Sprüche. On va dire Proverbes 8, 13. Proverbs 8. 8. Verse 13. Verse 13. The fear of the Lord is to hate evil. What Christ called evil. Das, was Christus and not böse what zu nennen. People call evil. Und nicht das, was Menschen böse nennen. Pride. Stolz. And arrogance. And the evil way. And the forward mouth. Do I hate pride. Stolz. Lorsqu'on craint l'éternel, on déteste le mal. On déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise. Pride. You know, we are so proud. Wir sind so stolz. Amen. We are so proud. We are proud of Christ. Wir sind stolz auf Christus. Amen. Nous aussi, on est fiers. On est fiers de Jésus-Christ. It's not we are proud of. Nicht stolz. Of our color. Auf unsere Hautfarbe. No, I'm black. I'm proud. It's evil. Zu sagen, dass ich schwarz bin, dass ich stolz bin. C'est pas I'm Christ. I'm proud. That's the truth. Stolz darauf, sein Christus zu haben. Das ist der Wahre. Das ist Das ist heilig, das ist richtig, aber das andere ist teuflisch. C'est pas qu'on est fier de la chair, on est fier de notre couleur de peau. On dit qu'on est fier de Jésus-Christ, donc tu es fier de Jésus-Christ et c'est ça ta victoire. It's not I'm proud to be African. Ich bin stolz darauf, Afrikaner zu sein. Europe, you know, whatever. Anything outside Christ is evil. I'm proud to be a son of God. Amen. Pour nous, il s'agit d'être fier d'être un fils de Dieu. C'est ça notre victoire, parce que tout autre fierté qui ne sont pas qui sort hors de l'éternel, ça c'est pas une victoire, ça c'est une malédiction. Then James 4, go to James 4. Jacobus 4. Praise the Lord. On va lire Jacques 4. Amen. Amen. James 4. Jacobus 4. Maybe we go to just a little place there. Amen. Jacobus. Verse 16. Let's go to verse 16 because of time. Jacobus 4, 16. Jacques 4, 16. It said that now you rejoice in your boasting. Also rejoicing is evil. Is somebody getting something here? You rejoice in your boasting. Wir freuen uns in unserem Prahlen. It said your joy, your rejoicing is evil. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Repent, please. Repends-toi, s'il te plaît. Si tu es orgueilleux à travers le mal. Parce que Jésus-Christ, il aime la repentance. He said there is joy in heaven over a sinner that repents. Es gibt Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Il a dit que au ciel, joy in heaven once you repent. Au ciel, il y a une joie dès que tu te repens. Es gibt repent. Freude im Himmel, wenn wir Buße tun. Repent from your evil ways. Buße von unseren bösartigen Wegen. Repends-toi de tes conduites qui sont mauvais. And let your repentance come from your heart. Und lass zu, dass diese Buße aus dem Herzen kommt, nicht nur im Mund bleibt. Et que quand tu te repenses, ça doit venir de ton cœur et pas seulement de ta bouche. You know, Romans 10 says, with the heart man believe. With the heart, your repentance will come out from. Romans 10 steht, dass im Herzen glauben wir und im Mund bekennen wir. Und genauso soll es auch mit der Buße sein. Im Herzen tun wir diese Buße und im Mund bekennen wir diese Buße. Dans Romains, il est écrit que c'est que l'homme, à travers son cœur qu'il croit. Donc, c'est quand ta repentance vient du cœur, c'est là que c'est vrai, pas seulement de la bouche. You repent, and allow, you know, that's so, enough that the repentance can be seen. The action can be seen. There's nothing like repentance without action. Es gibt keine stumme Buße, deine Buße wird für sich sprechen, es wird sichtbar sein. Dès que tu te repens avec ton cœur, il y a aussi une action qui suit. Après ça, donc il n'existe pas une repentance sans action. And it must continue. Et l'action va continuer et ça ne sera pas seulement une fois. Amen. Nur einmalig. Faith without work. Glaube ohne Werke. C'est dead faith. C'est un toter Glaube. C'est comme croire sans travail, sans action. C'est une foi qui est morte. So also repentance without action. Genauso Buße zu tun ohne Werke dahinter, das ist keine wahrhaftige Buße. C'est la même chose qu'une repentance sans action. C'est une repentance qui n'a pas de valeur. Amen. Amen. If you believe, you act. Abraham acted on the voice of the Lord. Abraham hat nach der Stimme des Herrn gehandelt. Never say I believe and just ignore it. Er hat nicht nur gesagt, ich glaube daran, hat es ignoriert. Si tu crois, il y a une action qui suit. Après, c'est comme Abraham, par exemple, lui, il a cru et il a fait une action, il est parti. Il est parti avec son fils. Il a fait, donc il n'a pas dit que je crois, mais il n'est pas parti. Matthieu 21, 28. Look at what Jesus said about repentance. Schaut euch an, was Jesus über Buße sagt. Regardez ce que Dieu a dit concernant la repentance. From 28, he said, "What? But what think ye? A certain man had two sons, and he came to the first and said, 'Son, go work today in my vineyard.'" Verse 29. He answered and said, "I will not." Verse 29. But afterward, he repented and went. Mm-hmm. Praise the Lord. Alleluia. It's not about your words, but action. He said, "No, I will not go back." But he repented and went. You get it? Er hat erst nein gesagt und hat gesagt, okay, ich geh doch. Ici, on voit l'exemple avec les deux fils de cet homme, un qui a dit oui. Et je vais y aller, mais il n'est pas parti. L'autre qui avait dit je veux pas partir, mais il s'est repenti et puis il a fait une action, il est parti. And he came to the second and said likewise. And he answered and said, I go, sir, and went not. You see the two. Amen. It's not about your words, it's about your actions. Donc vous voyez ici tous les deux, il s'agit pas de ce que tu dis, il s'agit de ton action, qu'est-ce que tu fais. Amen. Amen. Then in verse 31, he said, whether of them twain did the will of his father, they say unto him, the first, Jesus said unto them, verily I say unto you, that the publicans and the harlot go into the kingdom of God before you. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting something here? Ici, Jésus-Christ rajoute vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Is somebody getting something here? Praise the Lord. Hallelujah. You know those, you know the prostitute, the publican, the sinner, they rep- They're not, they let her repent. Die Prostituierten, die Zöllner, to repent. Sie tun Buße. To believe you are doing aber the right du weigerst thing. Dich, Buße zu tun. Und glaubst, das Richtige zu tun. Ici, par exemple, on voit les collecteurs d'impôts, les prostituées, ils ont fait, ils se sont repentis. Et c'est pour cela qu'ils sont capables aussi de partir dans le royaume de Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, quelquefois, on, avec notre cœur, on ne veut pas se repentir. And you wonder why people cannot trust you. We cannot trust you because we cannot see the repentance. We cannot see. Et puis tu te demandes pourquoi les gens ne me font pas confiance. On te fait pas confiance parce que tes actions ne suivent pas après ta repentance. You know, Jesus said your action is more important than your words here. You said deine your action is more important. It's not just saying it, it's your action. Deine Worte. Jésus-Christ dit ici que tes actions sont même plus importantes que tes paroles. It's your action that will make your words perfect. Weil es sind deine Werke, die deine Worte vollkommen machen. Ce sont tes actions qui vont rendre ta parole parfaite. That's why the word of Christ is perfect today. Amen. C'est le mot de Christ est parfait. Because c'est là la parole de Dieu c'est parfait aujourd'hui. Because his action made his word to be perfect. Weil seine Handlung hat sein Wort vollkommen gemacht. Wie? C'est parce que ses actions ont fait sa parole parfaite. Comment? He said he loves us. And he came to die for us. Amen. Amen. And he made, you know, that you know, his death for us made his love us perfect. Amen. Sein Werk, dass er für uns gestorben ist, hat seine Worte, dass er uns liebt, vollkommen gemacht. Mm. Lui, il a dit qu'il nous aime, mais son action après cette parole, c'était de mourir pour nous. Et on voit que après son action a rendu sa parole parfaite. C'est pour cela qu'on dit aussi que sa parole, est, la parole de Dieu est parfaite. Praise the Lord. Alléluia. You know everything we have is Christ. Alles was wir haben ist Christus. Tout ce qu'on a c'est Jésus-Christ. We don't have anything that is not Christ. Wir haben nichts was nicht von Christus. On n'a rien qui n'est pas de Jésus-Christ. Amen. Amen. They might even be Cana, but not the rod. Moses' rod was once Cana, but it was later. It was not supernatural. It was once natural, but we will go. We will start from there on. Amen. Unser Besitz kann natürlich sein, aber er wird übernatürlich, weil wir ihn den Herrn übergeben. Notre ce qu'on possède, ça peut être naturel, mais ça devient surnaturel dès qu'on le rend à Dieu lui-même, on lui laisse dans ses mains. Our life is Christ, our body is Christ. Unser Körper ist Christus. Amen. Notre parole c'est Jésus-Christ, notre our vie, property c'est is our Christ. Unser Besitz ist Christus. Tous nos biens c'est Jésus-Christ. We go there on Wednesday. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And then we'll talk about that of the child. Amen. Amen. Your children are to be trained in Christ. Am Mittwoch sprechen wir über die Kindererziehung, amen. Weil Kinder in Christus erzogen werden sollen. Mercredi, on va parler de and many other things that the Lord wants us to learn. Amen. He said, you know, train up your child. He said, don't spare the rod. If you spare the rod, you spoil the child. That rod is Christ. If you take Christ away from children, you will destroy that child. Wenn du Christus von den Kindern wegnimmst, dann zerstörst du dieses Kind. In the book of Proverbs. Ja, und wir werden uns das in Sprüche anschauen, wo das steht. Selon la volonté de Dieu.